Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour les auditeurs et bienvenue dans ce cinéphage numéro 245, spécial Western Spaghetti. Et pour cette émission, je serai accompagné de Pascal, le monsieur rock de Radioactive. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Monsieur rock, c'est un peu... Si, quand même, tu es notre spécialiste rock de la radio. C'est vrai. Allez, on va dire ça. Ah, on va dire ça. Mais pas que, comme on va pouvoir le découvrir. Donc avec lui, nous allons évoquer ses goûts cinématographiques et la filmo autour du thème du jour, le western spaghetti. Aussi nommé western italien, qui désigne les westerns produits en Italie. Le filon du western italien a été particulièrement exploité entre les années, disons, 60 à 80. Hein, c'est en gros la grosse période, avec quand même une production assez importante, puisqu'il y a environ 450 films. Et ces films ont révélé des grands noms du cinéma, tels que Sergio Leone, Ennio Morricone pour la musique, musique, bien oui. sûr, Clint Eastwood, Bud Spencer et Terence Hill, et puis bien d'autres, comme on pourra le voir, Klaus Kinski, et Van Cleef, etc. On ne va pas tous les citer, non. Mais on va en parler tout à l'heure dans les vues, ouais. pas vues. Certains de ces films sont sortis aussi dans les années 80, mais bon, moi, ici, on s'est plus, axé sur vraiment l'âge d'or du spaghetti. Ouais. Puisque bon, on a vu des hommages comme Tarantino avec Django Unchained, plus tout un tas de films comme ça, des films asiatiques aussi ou coréens qui tapent un petit peu dans le bon, la beauté, oui, de karaté, des choses oui. comme ça, qui sont dans un espèce de western coréen. Donc c'est assez marrant de se mélange un petit peu de culture. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'un autre cinéphage. Donc... c'est surtout les studios Cinecittà qui ont repris cette mode du western, parce que c'était tombé un petit peu en désuétude aux États-Unis. Et bien, ça relançait un petit peu le western, et pour le relancer bien avec Danse avec les loups, J'en passais des meilleurs. Et puis Clint Eastwood, l'ancien spécialiste du western spaghetti, qui a commencé à mettre sa patte. Et justement, on y retrouve un petit peu le genre de personnage qu'il avait créé pour tous ces westerns italiens. Et quand on dit spaghetti, il y a aussi des films tournés en Espagne, parce que... Oui, en Espagne, même en Algérie, je crois aussi. En Algérie, ouais. Et puis, bon, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a eu les Winnetou, qui sont des ersatz allemands de western, qui ont aussi un petit peu des consonances western spaghetti, ouais, un petit peu déjà dans la manière de tourner, bien que Winnetou, c'est quand même plus gentil et moins trash, on peut dire que... Oui, moins noir, moins... Ouais. Ouais. Donc, j'espère qu'on va vous présenter quelques réalisateurs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, dans notre fameuse liste non exclusive, hein, puisque 450 films, on y sera encore demain matin, comme je dis souvent. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour, mais d'abord on va commencer par connaître un peu plus Pascal et ses goûts cinématographiques. Alors Pascal, quelle est ta profession ? Retraité. Ah, ça, c'est la meilleure des professions. Pour aller au cinéma, c'est bien. Voilà. Et dans ta carrière, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience pro ? J'étais enseignant dans l'éco-gestion en classe de BTS, entre autres, enfin, à la fin de ma carrière, voilà. Voilà, donc ça te laissait du temps pour aller au ciné ? Un petit peu, oui, entre deux paquets de copies, on se faisait un petit ciné. Et puis l'enseignant, c'est un peu un acteur devant sa classe, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Et puis chaque année, on change de héros, on peut dire. De personnage. Sinon, as-tu d'autres passions ou hobbies dans la vie ? Tu l'as déjà dévoilé, le rock, enfin, tout ce qui est musique électrique, électrifiée, voilà. Après, la BD, je collectionne aussi un petit peu, donc les vinyles et la BD. Et puis au niveau sportif, le rugby, quoi. J'ai joué et j'adore regarder les matchs de rugby, voilà. Donc tu vas être servi cette année, là. Il y a une bonne préparation, il y a des bonnes choses. Oui, plus ou moins. Enfin, avec ses dérives, plus ou moins, hein, ouais. Le professionnalisme... J'ai un peu peur que le rugby se footballistique, entre guillemets. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui, mais bon, tous les travers un petit peu du business, quoi. Ouais. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, la BD, je crois que tu es en préparation avec une collègue d'une émission sur Radioactive. Bah, normalement, ça devrait se faire. Donc, il ne faut pas trop tout dévoiler. Ça sera la surprise pour l'année 2026. Quoi. Voilà, donc vous voyez... Dans la haute du Père Noël. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Père Noël, n'oublie pas, les auditeurs sur Radioactive et les fans de BD, bien... auront leur émission. Alors on va essayer, oui, de faire une petite émission. Et ça, c'est vrai que ça manquait. Hein. En plus, étant partenaire du festival Courant BD, c'était étonnant qu'on n'ait pas une émission BD. Et bah, on souhaite une longue vie à cette nouvelle émission. On espère plus. Et son baptême, bientôt. Ouais. Alors là, on va aller se balader dans le passé. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à tout ça. Le premier cinéma, je ne sais pas, je devais avoir une dizaine d'années peut-être, vacances en bord de mer à Cassis, du côté de Marseille. Et il y avait un cinéma de plein air. Et je crois que c'est la première fois que, je ne sais plus si c'est mon oncle ou mes parents, enfin quelqu'un m'a emmené dans ce cinéma en plein air, voir un Disney. Il me semble que c'était Davy Crockett, le roi des trappeurs, quelque chose comme ça. Exact, ça a été même... Je me rappelle d'un personnage, de grands espaces, puis d'un personnage avec une casquette, avec une queue de raton laveur, ce dont je me rappelle. Et c'était mon premier souvenir cinématographique. Oui, donc la version Disney, elle est passée en téléfilm, en film, au cinéma, ouais. Comme tu l'es, et puis... c'était le film, c'était pas le dessin animé. Oui, non. D'où a été tiré après, enfin, c'était Fess Parker qui était le héros, et qu'on a pu retrouver en Daniel Boone dans les séries après. D'accord. Donc c'est un gars qui a été, tu dis le chapeau de trappeur, et ben visiblement ça l'a collé. Ça lui colle à la peau, oui. Donc, si on faisait un jeu de mots, on dirait que ça lui colle à la peau des fesses par cœur. Oui. Mais bon, c'était facile, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc plutôt aventure, quoi, au départ. Oui, c'est ça, oui. Un truc d'aventure cow-boy, toi, déjà, un peu le western, enfin l'ouest, quoi, le goût de l'ouest, des grands espaces. La conquête de l'ouest. Voilà. Plus technique, quel est ton format favori ? Ce serait plutôt noir et blanc, VO, numérique ou traditionnel ? Alors, moi, le cinéma, c'est plutôt traditionnel, toi, confortablement installé dans un fauteuil, dans une salle de cinéma, avec ou sans pop-corn, mais voilà, plutôt l'ambiance grand écran, pas chez moi, pas devant la télé. Ça m'arrive de regarder des séries ou des films à la télé, mais vraiment, le plaisir, c'est dans une salle de cinéma. L'environnement matériel compte, je pense, beaucoup pour se sortir un petit peu du quotidien, quoi. On rentrait vraiment dans l'histoire, dans le film. Et donc, tu serais plutôt dans la catégorie « je vais au cinéma tout seul » ou avec des potes ? Les deux. Les deux ? Ça m'arrive d'y aller tout seul, mais j'y vais aussi avec des potes. C'est vrai que c'est un peu plus agréable d'y aller pour partager après nos ressentis sur les films, etc. Mais ça m'arrive des fois d'y aller tout seul, oui, quand j'ai un film ou que c'est qui passe à une séance où je ne peux pas aller aux autres, tu vois, par exemple, et que ça ne convient pas. Alors moi, je suis retraité, j'ai du temps. Tous mes amis ne sont pas forcément retraités, n'ont pas un emploi du temps aussi malléable que le mien, quoi. Voilà. Non, moi, je suis pareil comme toi, mais si c'est un film qui me plaît vraiment, je préfère y aller tout seul, pour vraiment être dedans et pas être embêté par les bruits des chewing-gums, des pop-corn, ou les téléphones portables. Du téléphone portable, la maladie du siècle. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien être immergé dans un film, spécialement quand c'est quelque chose que j'attends. Alors, vaste question, comme on dit l'autre, que représente le cinéma pour toi ? Ouais, tu me laisses combien de temps ? J'ai 2 heures pour refaire. Voilà, 4 heures. Oh, on voit le prof qui sommeille en toi. Je sais pas, alors c'est un peu compliqué. Là où des beautés, c'est un peu dur. Comme dans le cinéma pour moi. Alors, c'est un art, je dirais, un moyen de s'évader, rire, pleurer ou réfléchir. Des fois, les 4 à la fois. Mais c'est aussi une industrie avec derrière un business important. Alors, ce que j'apprécie au cinéma, c'est des fois, c'est quand le film vous plaît, me plaît et que je rentre dedans, c'est s'approprier une histoire qui n'est pas la mienne et puis la faire mienne, en quelque sorte. Ça, c'est un petit peu rentrer dans le film. Alors, ça marche pour des films plutôt de fiction, quoi, entre guillemets. Pour les films sur notre société, etc., c'est un moyen de réfléchir, se poser des questions sur notre monde, quoi, un petit peu, des fois. Ou partager ou pas la vision du cinéaste, du réalisateur. Qui des fois est pas toujours très très proche de la mienne ou facile à comprendre, quoi. Ouais, mais c'est de voir qu'il existe autre chose. C'est ça le partage. Pour moi, je trouve que le cinéma, oui, t'as un lien entre les gens aussi. Ça aussi permet de pouvoir, comme tu dis, voir en solo ou à plusieurs, et après en discuter, ou avoir des discussions, bah, défendre un film en bien ou en mauvais, et après, tous les goûts sont dans la nature, ce que je dis, mais c'est important d'entamer une discussion, et de toute façon, la communication, il n'y a rien de tel. Exactement, c'est un moment de partage aussi, quoi, des fois. Et puis, je suis d'accord avec toi pour le côté un petit peu business qui devient un peu trop, malheureusement, avec des scénarios. Notamment avec des séries là, qui se déclinent à l'infini, version 2, 3, 4, 5. Bon, on a fait le tour, quoi. C'est pas toujours réussi. Dans Cerivore, souvent, avec Vincent ou David avant, on avait cette impression des fois de tourner en rond, de vouloir un petit peu vendre le saucisson, la peau du saucisson et tout ce qui est autour, quoi. Non, mais c'est vrai. Par contre, certains spin-offs peuvent être intéressants. Là, on a traité récemment Fear the Walking Dead. Et ben voilà, parce qu'on essaye d'utiliser d'autres personnages. Mais il y a des séries qui sont à rallonge et qui sont chiantes, il faut le dire. Oui, il faut bien le dire. Eh bien, je te propose une première pause musicale. Alors là, si tu me dis que tu ne la connais pas, je dis, dans quel monde western étais-tu ? Le bon, la brute et le truand. Eh bien, après avoir creusé avec nos amis du Bon, la Brute et le Truand, je vais te poser la question phare. Quels sont ton ou tes trois films préférés et pourquoi ? Pas forcément, mais c'est en spécial. Justement, il n'y a que des questions pièges dans ton émission. Trois films préférés, c'est difficile d'en retirer trois. Je vais faire un effort pour toi, Alors, je mettrai en premier Blade Runner. Le premier Blade Runner de Ridley Scott, parce que pour moi, l'esthétique du film, déjà l'histoire et l'esthétique du film, ça m'a toujours impressionné. Je le regarde avec plaisir, toujours, à chaque fois. Donc, science-fiction... Et tellement d'actualité. Voilà. Si je devais partir sur une île déserte avec un film de science-fiction, c'est Blade Runner. Après, dans d'autres genres, il y aurait d'autres films. Qu'est-ce que je pourrais mettre en deux ? Excalibur de John Borman. J'avais adoré ce film un peu dans le médiéval, mais alors c'est le même thème un peu que le Seigneur des Anneaux, mais pris d'une manière différente, quoi. C'est pas vraiment pour les enfants, on va dire. Pour oui, le côté la légende, il y a le côté légendaire. Ouais, mais on essaie de lui donner un soupçon de réalité en quelque sorte. Toi, Merlin, l'enchanteur, il est pas magicien comme ça. Enfin, il y a tout un tas. J'ai bien aimé ce film-là avec des acteurs. Inconnu. Charlie Borman, qui était à l'époque son fils, qui était totalement inconnu. Et en 3, il y a tellement de films que je voudrais mettre en 3. Peut-être 37 de le matin, parce que ça correspond à une période où je l'ai vu au cinéma, à Tours d'ailleurs. Cinéma qui était vers Charles Gilles, je crois. Le Pâté Caméo. Ouais, c'est ça, oui. Et j'ai un souvenir d'avoir pris une claque sur ce film-là. Quoi. Oui, avec un Jean-Hugues Anglade et une Béatrice Dalle, voilà. Qui étaient tout débutants. Oui. Et qui avait un sex appeal, les deux d'ailleurs. Oui, oui. Certains sex appeal. J'étais étudiant à Tours et puis je l'ai vu à sa sortie. Et vraiment, je me rappelle avoir pris une claque, quoi. Mais il y a tellement d'autres que je pourrais rajouter. Oui, oui, oui. Voilà. Moi, c'est pour ça que je dis 3, ouais. Parce que tu me poserais la même question, je serais aussi embarrassé que toi, je te rassure. si je te demandais ton acteur préféré, étranger ou français, que tu aimes particulièrement bien. Alors, c'est plutôt des étrangers. J'aime bien les acteurs français, mais enfin, Jack Nicholson, pour toute sa carrière, ses rôles de différents tous les uns des autres. Passer de Vol au-dessus d'un nid coucou à Shining, par exemple, ou d'autres films un peu moins connus, où il joue une espèce de loup-garou, je sais plus comment ça s'appelle le film. Wolf, c'est ça, oui. Enfin, bref, j'adore ça. Après, je mettrais aussi Robert De Niro. J'ai un petit faible aussi pour un acteur qui, injustement, je trouve... pas méconnu, mais mal connu, c'est Jeremy Irons. Je l'avais adoré dans Faux-Semblant, là, où il joue deux jumeaux gynécologues. Oui. J'avais adoré ce film-là, et je trouve qu'il a toujours eu des rôles assez... ambigu. C'est ça, et qu'il colle bien à la peau. Enfin, c'est pas toujours le même style. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle un acteur. Voilà, et puis pour coller au thème, Clint Eastwood, quoi. Pas seulement pour son rôle d'acteur, mais pour sa carrière après de réalisateur. C'est impressionnant. Voilà. Bah, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Ouais. Tu m'avais dit, j'aurais bien aimé choisir le thème. Malheureusement, il avait été pris. Et entre-temps, c'est vrai qu'il continue. Et puis, on se dit, il est fini. Non, à chaque coup, il nous sort des films qui valent, même s'ils sont des fois un petit peu en dessous. Mais ça reste toujours un événement, hein, Clint Eastwood. Ah oui, toujours. J'ai toujours. C'est son dernier film. C'est Le jury numéro 2, c'est vraiment... ça sort de sa cinématographie habituelle, quoi. C'est un touche-à-tout. Et c'est ça qui est impressionnant. Et comme on l'a dit souvent dans cette émission, c'est quelqu'un qui est plutôt républicain, mais qui défend des sujets de démocratie, dans Grand Torino. C'est quelqu'un qui aime la justice en général. Au niveau des actrices, est-ce que tu aurais une actrice ou des actrices que tu aimes bien retrouver ? Oui, bien sûr, il y a toujours des actrices. Alors, on va essayer de ne pas faire dans le sexisme de base, quoi. J'aime bien Jodie Foster, d'ailleurs. Là, il y a un film qui ressort avec elle. Je pense que ça va être ma prochaine séance de... En plus français. Oui. J'aime bien Jodie Foster, sa carrière depuis le début et tout ça. Après, je vais rester classique. Chez les actrices françaises, Isabelle Huppert. Oui, pareil, longue carrière. Voilà. Quand on la voit au début dans Les Valseuses avec son petit rôle, et puis que maintenant... Mais j'aime bien aussi les nouvelles actrices. Tiens, j'ai vu un film récemment, j'étais plusieurs films avec elle. Juliette Armanet, tu vois que... La chanteuse. Oui. Comme actrice, je trouve qu'elle est pas mal, quoi. Mais il y a beaucoup de chanteurs que j'aime pas spécialement dans leur style, mais qui font d'excellents acteurs. Julien Doré, par exemple. C'est pas trop ma cam, mais il fait un film. Il avait fait un film Pop Redemption où il jouait le leader d'un groupe de trash metal qui jouait au Hellfest. Mais il est excellent. Si tu ne l'as pas vu, je te le conseille. D'accord. C'est vraiment excellent puisque. Ah oui, c'est pas un film où ils partent en camionnette, c'est pas ça. Voilà. Ah si, ça me dit quelque chose. Oui. À voir. Une parodie du hard rock en général. Oui. Et puis de voir ce mélange entre la ville, la campagne, le Hellfest et une petite fête de village. Et puis quelque chose qui part en sucette. Hein. Il y a Jonathan Cohen qui joue dedans, entre autres. Vraiment, et Gad Bois aussi qui joue dedans, dans un rôle extraordinaire. Donc, voilà, y a, comme tu dis, il y a des acteurs, des chanteurs qui deviennent acteurs. À l'inverse, on a Florent Pagny, moi que j'aimais bien comme acteur. J'adhère pas trop dans son style de musique, mais après, chacun ses goûts, comme je dis. Mais voilà, il a surtout été connu au départ comme acteur. Oui, c'est vrai, il a fait une carrière d'acteur avant d'être chanteur. Vraiment connu. Maintenant, alors là, c'est assez dur souvent. Un réalisateur, tu vois avec plaisir et que tu t'attends à peu près à chaque coup à pas être déçu. Martin Scorsese. C'est une valeur sûre. Voilà. Ouais, c'est... Après, j'ai aussi un petit... Mais bon, lui, il est décédé, Stanley Kubrick. Pour te dire, voilà, deux réalisateurs vraiment que je place culte, au-dessus. Culte, pour voilà, toi, c'est culte ça, pour ouais, toi. Oui, oui, oui. Et on revient dans le thème de la musique. Quelle est ta musique de film favorite ? Oh, c'est facile, ça. C'est Blade Runner, la bande-son de Vangelis, et notamment le morceau Love Theme, là, avec le saxo langoureux, ouais. etc. Quoi. J'adore ce morceau-là, et je trouve qu'il colle bien au film. En même temps, on a une vision un peu panoramique de la ville moderne, avec les espèces de gratte-ciel de vue de nuit illuminés, les flammes qui sortent de cheminées, etc. Enfin, ça, voilà, ça c'est ma... Et puis c'est vraiment un film de référence. On voit que Metropolis a été derrière et qu'après, ça inspire aussi beaucoup d'autres films de science-fiction. Mais voilà, oui, cette ville, Philippe K. Dick, dans son roman, avait été déjà très, très visionnaire. Ouais. Et je ne sais pas pour toi, quelle est la version que tu préfères ? Avec la fin originale ou les différentes fins qui ont été proposées ? Moi, je préfère la première version qui laisse l'espèce de doute, là, un petit peu. Oui, non, mais c'est cette manie un petit peu de vouloir remanier. Je n'ai pas vu d'ailleurs toutes les fins proposées, mais... Alors, petite anecdote sur la bande-son. Pendant longtemps, elle était introuvable en vinyle. Je crois qu'elle n'avait jamais été éditée en vinyle. Elle est ressortie il y a un ou deux ans seulement en vinyle. Quoi. Avant, tu ne l'as trouvée que en CD. Quoi. Donc, pour les voilà, amateurs, pour les amateurs de vinyle, voilà. Alors, maintenant, on va te poser une question cruciale. Et pour pas te juger, quels sont le genre de films que tu n'aimes peu ou pas ? Faut que je dénonce. Je dirais les comédies musicales. J'ai du mal à... Alors, j'aime bien la musique, le rock, etc. Mais les comédies musicales au cinéma, j'ai du mal à les acteurs qui chantent lors de leur dialogue, etc. J'accroche pas, quoi. Même R, par exemple ? Ouais, c'est peut-être une exception. Il y en a une ou deux. Ça, Phantom of Paradise. Voilà, mais globalement, les oui, comédies oui. musicales, c'est style, pas mon truc. Quoi. Fred Astaire, Gene Kelly ouais, et compagnie. Et c'est vrai que c'est très américain au départ. Voilà, c'est pas mon truc, quoi. Par contre, quel est le ou les genres que t'aimes bien ou... Tu peux avoir plusieurs genres que tu aimes bien, particulièrement. J'aime un peu tout au cinéma. Justement, l'intérêt du cinéma, c'est sa diversité. J'aime bien les films d'action, les films un petit peu de société. J'ai un petit faible, alors ça, c'est mon petit plaisir personnel, sur les séries B d'horreur, tu vois, les trucs un peu... Ce qu'on pourrait dire les nanars, des ouais, fois, ouais, bah, mais c'est sympa. C'est péjoratif, les nanars. Je dis série B de... Oui, série Z, série B, ça, voilà, on dit, voilà. Il y a des trucs qui sont... C'est d'horreur, mais ça peut être marrant. Voilà, il y a le côté marrant. Le sujet, des fois, est sympa, mais bon, les acteurs sont pas au niveau. C'est ça, le doublage est pas terrible. Enfin, voilà, quoi, c'est... D'ailleurs, un petit clin d'œil à Radio Béton, qui organise tous les ans, justement pendant le Festival au Car, il y a une soirée Nanarland, en général... J'y suis allé plusieurs fois, donc avec David, un petit coucou à David au passage. Et c'est vraiment marrant parce que là, on a le droit à des extraits de Nanarland, plus généralement une sélection de deux films oui. qui sont terribles. Au Festival Mauvais Genre, on a eu aussi le Crocodile de la Mort. Ah oui, voilà, oui, c'est le genre de truc, voilà, c'est le genre des plaisirs coupables, comme on dirait. Si je te demandais le film qui t'a le plus marqué, en bien ou en mal, un film que tu te souviendras toujours. Allez, L'Exorciste. C'est un film d'horreur à part, qui fait vraiment peur, entre guillemets. Enfin, quand je l'ai vu. Et je l'ai revu récemment, je trouve que ça a assez bien vieilli. Alors, pourtant, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de giclées de sang, de couteaux qui sortent, de trucs comme ça. Mais c'est vraiment un film qui angoissant, quoi, on va dire. La scène avec Linda Blair, voilà, quand même, quand elle est possédée, là, ça fait flipper, hein. Et quand on sait qu'il y a des cas d'exorcisme inexpliqué comme ça, voilà, ça laisse poser la question, quoi. Même si on est un petit peu incrédule, on se pose la question. sur ce phénomène. Ouais, qui... Après, petite anecdote, un autre film qui m'avait marqué, mais ça, ça c'était... quelle année, je ne sais plus exactement, mais j'étais jeune, adolescent, étudiant peut-être. Je vais voir Les Dents de la Mer. Au mois de, ça devait être au début, un petit peu avant l'été. Donc j'ai eu du mal à me baigner après. C'est souvent l'anecdote que je dis, je l'ai vu à Mont-Louis au cinéma, pareil comme ouais. Toi, un cinéma d'été. Et en revenant, on était là. Et après, j'allais en Vendée avec mes grands-parents. Ah ben, j'avais du mal à me mettre dans l'eau. C'est ça. ça avait réussi son petit effet, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Hein. Oui. Nombreuses personnes, après avoir vu le film, bah, ils regardaient pas la mer de la même façon. Pour le malheur des requins qui ont morflé. Hein. Mais bon, voilà, ils sont rattrapés de temps en temps en croquant un petit personnage qui se balade un peu tout seul, qui s'appelle un surfeur. Hein, ils les prennent pour des tortues. Mais bon, allez, revenons un petit peu plus de sérieux. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Alors ça, c'est assez récent. J'étais voir les Enfants vont bien. Justement, avec Juliette Armanet qui a un petit rôle. Quoi. C'est l'histoire d'une... J'ai le temps de... Vas-y, pitch, ouais. Rapidement. Ouais. Alors, rapidement, donc c'est l'histoire d'une mère dont le mari est décédé. Elle a deux enfants, 6 et 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Elle est plus ou moins pas en froid, mais enfin, elle n'a pas vu sa sœur depuis longtemps. Un jour, elle débarque chez sa sœur avec ses enfants en disant, ouais, on vient de rendre visite. Et le lendemain matin, elle a disparu, elle a laissé les enfants à sa sœur. Voilà, en gros, le pitch. Voilà. Pas de tout dévoiler. Allez le voir au cinéma, c'est pas mal. Voilà. C'est la conclusion est très bonne. Voilà. Allez au cinéma. Alors, imaginons, t'as envie de faire une soirée avec des potes et t'as envie de leur présenter trois films. Quel serait ton programme ? Trois films, donc une soirée. Alors, Blade Runner, je pense que je le mettrais. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, et puis c'est toujours un plaisir de le revoir. Donc, faire un espèce de mix, un film de science-fiction, un film de guerre et puis un film d'horreur. Alors, film de guerre, je mettrais la 317e section de Schondorfer, là, pour son côté... Ça fait Doc un petit peu, on peut oui, dire. Oui, c'est ça, c'est une histoire de soldats là, qui sont oubliés, gardiens d'Indochine, soldats oubliés. Et en film d'horreur, alors, tiens, Le Loup-garou de Londres, de John Landis, tiens. Un film d'horreur qui ne fait pas vraiment peur, un peu fantastique, on va dire. Oui, puis voilà. qu'il y avait bah John Landis, c'était un touche-à-tout aussi, hein, même génération que Spielberg, Lucas, mais un petit peu avec moins d'argent, moins de moyens, entre guillemets, mais qui a fait quand même aussi des parodies. Hein, ouais. Et donc, c'est quelqu'un dans le cinéma américain qui a laissé sa trace. Et comme tu dis, Loup-garou de Londres, bah ouais. Il y a eu deux films à l'époque, c'était Hurlement oui. et Loup-garou de Londres. Ouais, voilà. Moi, j'ai vu les deux, et c'était... Ah bah ouais, c'était... Les effets spéciaux étaient terribles, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, ils sont fantastiques, les effets. Mais alors, Hurlement, on est plus dans le mythe du loup-garou sérieux. Le Loup-garou de Londres, il y a un côté un peu potache, quoi. Oui, mais en plus, ils sortent d'un pub, ah. Les mecs, ils sont à moitié ils mettent torchés, le bazar dans le métro. Voilà, ils sont terribles. Alors que oui, Hurlement, c'était plutôt une malédiction. Ouais, c'est ça. On retrouvait d'ailleurs l'excellent Patrick McNee, Monsieur Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Et en plus, après, on a eu le droit à une saga Hurlement, plus ou moins bien réussie. Oui. Et Loup-garou de Londres a été décliné. On l'a retrouvé à Paris, on l'a retrouvé à New York. Et oui, grâce au visa, on peut se balader maintenant. Le loup-garou est intéressant. Il prend l'avion, le loup-garou. Voilà, donc une soirée quand même assez sympa. Ouais. Comme tu dis, avec du sérieux. Et puis, on finit par se faire peur et rigoler. Comme ça, quand on sortira dans la nuit, on regardera s'il n'y a pas un loup à côté de chez nous. Eh bien maintenant, nous allons passer à ton portrait cinémois. Si tu étais un film... Si j'étais un film... J'ai droit à des films d'animation. Oui. Mais... Allez, je vais dire Félix le chat, tiens. J'ai toujours rêvé, si la réincarnation existe, de me réincarner en chat. Donc Félix le chat, ça serait pas mal. En plus, il y a un côté un peu musical. Oui, voilà. C'est vrai que c'est un classique du dessin animé, loin des Disney et compagnie, mais c'est à voir. Ensuite, si je te demandais si tu étais un acteur ou une actrice, au choix. Non, on va rester dans les acteurs. Sean Connery, pour son côté, déjà, il a été Monsieur Univers. Voilà. Puis il avait une certaine prestance, quoi. Je trouvais le Lord écossais un petit peu, tu vois. J'ai bien aimé. Et puis sa filmographie, enfin, James Bond, le maître de Highlander, commandant d'un sous-marin. Enfin, bon, voilà. Toutes ses vies, je les prends. Et puis quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Ouais, qui avait une certaine classe, quoi. Voilà. Écossais, fier de l'être. Ouais, ouais. Il a été anobli par la reine d'Angleterre, mais il est arrivé en kilt et en faisant bien comprendre qu'il était pour l'indépendance de l'Écosse. Et il aimait la France puisqu'il a fini sa vie du côté de la Côte d'Azur, je crois. Oui, oui. Et marié avec une Française. Et oui, c'était quelqu'un de très cultivé. Il y a très peu d'acteurs qui vont le critiquer. Ses partenaires, entre autres, Michael Caine. C'est quelqu'un qui venait en plus d'un milieu modeste. Mmh. Et qui a pas oublié d'où il venait et voilà qui avait un respect sur les, ouais, les tournages. C'était quelqu'un qui savait se faire respecter et qui avait du respect pour les autres. C'est pas la starlette qu'on peut voir, hein. On a beaucoup de voilà de gentils. Là c'est vraiment un acteur à l'ancienne avec des valeurs et c'est vrai que et puis il peut se permettre avec la carrière qu'il a eue, la cinématographie, voilà. Ouais. Tout est dit. Et alors maintenant, si tu étais un personnage de film, en quoi tu te verrais bien ? Personnage de film. Alors deux possibilités, le bon ou le mauvais trip. Indiana Jones, hein, le côté explorateur un petit peu, cascadeur, etc. Ou alors, pourquoi pas Chewbacca dans La Guerre des Étoiles. Vu ton gabarit, c'est voilà. Pour ça. Bah, moi, j'aurais des poils sur le caillou. Ouais, puis les textes, ça va, c'est pas trop ouais, drôle. Voilà, oui. C'est pas trop dur. J'imagine. Après cette bonne rigolade, nous allons passer à un moment musical. Encore une bande originale de Western Spaghetti. Le « Et pour quelques dollars de plus », toujours Ennio Morricone, bien sûr. Eh bien maintenant, nous allons passer à nos coups de cœur, et donc avec le premier coup de cœur, le coup de cœur vidéo. Eh bien, j'ai pris le film « Mon garçon », un film français réalisé par Christian Carion de 2017. L'histoire, c'est lors d'une escale en France, Julien, joué par Guillaume Canet, va découvrir sur son répondeur un message de son ex-femme, Marie, jouée par Mélanie Laurent, qui est en larmes. Leur petit garçon de 7 ans a disparu lors d'un bivouac en centre de loisirs dans le Vercors. Julien va rencontrer un officier de gendarmerie qui lui annonce que son fils a probablement été enlevé. le visionnage de films vidéo pris par le nouveau compagnon de Marie, qui est joué par Olivier de Benoît, le fameux humoriste, va l'entraîner vers le propriétaire d'une voiture suspecte et de là à un centre de vacances abandonné où ils vont découvrir son fils et un autre enfant prisonnier de trois malfrats. Donc ce film, bon, je l'ai pris par hasard, j'ai regardé par hasard. Et en fait, ça traite un petit peu de l'enlèvement des enfants, des réseaux plus ou moins pédophiles, mmh. ou pour prendre des organes. Voilà. Et puis aussi, bah, des fois, de l'impuissance de la police et de la justice qui est un peu lente à réagir. Et on comprend que des fois, bah, certains ont tendance à vouloir accélérer les choses et se faire justice plus ou moins. Bon. J'ai pas vu ce film. Je suis tombé par hasard dessus, pareil, je ne connaissais pas. Bon. C'est un film récent, c'est... Oui, assez récent, 2017, donc c'est pas très très très vieux. Mais voilà, en plus, Mélanie Laurent, Guillaume Canet, oui. et puis Olivier de Benoît, donc c'était assez rigolo de le voir dans un rôle de salopard. Il est très fort en misogyne, hein, dans ses sketchs, mais là, en fait, bah, c'est le personnage un peu antipathique et qui, justement, va nous faire croire à un moment... Ça nous amène à le soupçonner un petit peu. D'accord, il y a une intrigue, quoi. Voilà, il y a une intrigue. Et puis, bien, le coup de cœur vidéo, bah, c'est un film que j'ai revu récemment avec plaisir. C'est Le Fugitif. Donc, un film américain réalisé par Andrew Davis et sorti en 93. Donc, il s'agit d'une adaptation de la série télévisée du même nom, diffusée de 63 à 67, où le docteur Richard Kimball, joué par Harrison Ford, va être injustement accusé de l'assassinat de sa femme. Et donc, il doit retrouver le véritable meurtrier qui est manchot, c'est ça? Qui est manchot, voilà. Alors qu'il est pris en chasse par l'US Marshal Gérard, Tommy Lee Jones, un flic bien teigneux. Et moi, j'avais trouvé ce film vraiment sympathique. Déjà, deux gros acteurs. Tommy Lee Jones, c'est vraiment le film qui l'a révélé au grand public. Et puis, bon, après, on a eu US Marshal, qui était la suite, qui était plus rigolote, on peut dire, où il se retrouve. Mais ce film est vraiment, jusqu'au bout, on voit un flic borné, mais qui va enquêter quand même s'il est... un petit peu créé, il se dit, mais non, c'est pas possible. Mais il doute un petit peu. Voilà, il va douter. Alors qu'en face, on a la police de Chicago, si je me souviens bien, qui, avec un bon fonctionnaire bien moyen, mais non, bah voilà, on a trouvé, c'est lui, c'est pas lui. Ils essayent d'étouffer l'affaire pour échapper au journalisme. Hein, ce qui est souvent le cas, ça nous donne toujours. Mais c'est un remake d'une série, ça. Oui, c'est une série. Une série qui s'appelait d'ailleurs Le Fugitif. Oui, Le Fugitif. Et la série, bon, on le voyait fuir à travers chaque épisode, il prenait une nouvelle identité, un petit peu ce genre de truc. Une vieille série des années 60. Ouais. Mais le film a justement été très bien adapté, contrairement à certains films adaptés de séries ou de séries adaptées de films. Là, c'est quand même assez réussi. Et justement, Harrison Ford nous joue autre chose qu'un Indiana Jones. Oui. C'est ça la force d'Harrison Ford aussi. Si, oui, aussi. On parlait de Sean Connery. Mmh. Bah, Harrison Ford, c'est un peu du même tonneau. Quoi. C'est plus jeune, mais c'est la preuve, il a été le fils de Sean Connery dans les Indiana c'est Jones. Vrai, c'est vrai. Mais c'est le genre d'acteur qui allait bien ensemble. Et puis, ben, on continue avec les coups de cœur news. Eh bien, Daisy Ridley et Alden Ehrenreich, qu'on a pu voir dans Star Wars, vivront une grande histoire dans The Last Resort, qui se déroulera aux Philippines. Le film va suivre Brooke, jouée par Ridley, une jeune femme déterminée à prouver qu'elle est capable de diriger l'empire hôtelier de son père. Pour cela, elle va se rendre aux Philippines afin de trouver un lieu idéal pour un nouveau hôtel resort. Là-bas, elle va faire la connaissance de Ben, joué par Ehrenreich, donc qui lui est un pilote expatrié au Charles Indianapolis, qui va non seulement lui faire découvrir la beauté du pays, mais aussi une toute nouvelle liberté. Donc quelqu'un qui vient du monde des affaires, elle va se retrouver un petit peu dans une histoire d'amour et avec quelqu'un pas très conventionnel. Donc entre devoir et amour, Brooke va devoir faire un choix. La vie qu'elle s'est construite ou celle qu'elle vient à peine de découvrir. Et à la réalisation, on retrouve Donna Petrie. Okay. Donc, un film un peu plus sujet d'actualité entre les businessmen. Hein, j'aurais voulu être un artiste. Voilà, c'est un peu ce style. Est-ce qu'on prend une vie simple et on renonce à la fortune ou... voilà, donc ça, c'est cruel dilemme. Oui, effectivement. Donc, le truc qui est amusant, c'est de voir ces deux personnages qui étaient plutôt dans une série de science-fiction, une saga de science-fiction, pas une série, se retrouver à être dans un film partenaire, mais dans un tout autre sujet, plutôt drame romantique, on peut dire. D'accord, social. Voilà. Eh bien, maintenant, on va attaquer le thème. Alors, The Thème. Quel est ton film western spaghetti favori quel est ton film favori? Oui, alors c'est encore une fois, c'est assez difficile dur, oui. d'en sortir un. Bon, on va mettre de côté un peu toutes les seconds couteaux, entre guillemets, Trinita, on l'appelait Trinita, etc., Tabata, machin, etc. Il y en a eu plein, hein, comme ça. Alors, je suis dans le classique, où c'est le bon, la brute et le truand, quoi. Surtout pour le duel à la fin, quoi. Dans le cimetière, là, en cercle et tout. Enfin, il y a des scènes. Pareil, la scène où ils font sauter le pont, là, pour... c'est grandiose, quoi. Voilà. Et puis les acteurs, donc, sont parfaits, je trouve. À chaque fois, le casting est parfait, les dialogues sont parfaits. Enfin, vraiment, si... Les dialogues. Les dialogues aussi. Si je dois retenir un film de... Western Spaghetti, ça c'est serait... C'est ça. Après, j'ai un petit faible pour un espèce d'ovni un peu western. Alors, c'est pas vraiment Spaghetti, c'est psychédélique. C'est El Topo du Chilien, la Jodorowsky. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà, qui m'a laissé... Alors, c'est pas du tout le même état d'esprit, mais c'est assez spécial. J'ai un petit faible pour ce film. Alors, c'est un film qui plaît ou qui plaît pas, quoi. C'est assez spécial. Le bon, la brute et le truand, on est dans le classique, quoi. Alors, selon toi, quel acteur représente le mieux le style western spaghetti? J'hésite entre deux. Donc, Clint Eastwood, pour son côté... Mais Terence Hill aussi, pour le côté un peu caricatural, un petit peu de certains films. Ouais, j'aime bien Terence Hill. Ouais. Alors, Terence Hill tout seul ou Terence Hill avec... Non, tout seul, pas forcément dans tout les... Seul, voilà. Ouais, oui. Oui, parce qu'il il a joué dans... En solo ou... Moi, dans Mon nom et personne, il est parfait. Dans Un génie de s'associer une cloche, pareil. Quoi. Il est vraiment... Après, c'est un peu du vaudeville quand il est avec Bud Spencer. Quoi. C'est un peu, oui, c'est les tartes. Ouais, c'est ça. Ouais, l'humour vraiment... tarte à la crème. Enfin, là, c'est pas les tartes à la crème, mais c'est des grosses tartes. Et c'est ce qui a fait un peu leur succès. Quoi. Alors que dans Mon nom et personne, il y a quand même une histoire. Toi, le petit jeune qui veut se mesurer... Enfin, Henri Fonda. Henri Fonda, qui est le pistolero le plus rapide de l'Ouest, qui veut lui assurer une survie, une fin honorable, entre guillemets, en faux duel à la fin. Enfin, ouais, il y a quelque chose. C'est moins caricatural, même s'il y a un côté un peu... Ouais, BD un petit peu, tu vois. Oui, ça fait penser à Lucky Luke ou des trucs comme ça, un peu. Au niveau des réalisateurs, quel est ton réalisateur culte? Il y en a plusieurs, mais est-ce que tu... Sergio Leone. Sergio Leone. Ah, oui, c'est vraiment... il est au-dessus, quoi, de... Je pense à Sergio Corbucci, par exemple. Oui, aussi, oui. Mais Sergio Corbucci, je trouve qu'il est meilleur dans les péplums que dans les western spaghetti, quoi. À part Le Grand Silence, j'ai moins accroché à ces deux, trois autres films. D'ailleurs, Corbucci, il a été... il a travaillé avec Sergio Leone sur certains films. Oui, mais c'est pour ça que c'est un peu une filiation, quelque part. Oui, un petit peu. Et puis, comme tu... Mais il n'a pas dépassé le maître. Voilà, et comme on verra aussi dans Les Vues, Plus Pas Vues, comme tu l'as dit si bien, c'est le cinéma italien. Il y a le peplum et le spaghetti. Beaucoup ont fait leurs premières armes dans le peplum, et comme c'était à la mode avant, et ils ont continué après. Donc c'est une question de mode aussi. Hein, et quand quelque chose marche bien, on le voit à Hollywood. Hein, on utilise le filon, et là, on l'a utilisé vraiment aussi. Oui, à fond, 450 films. Alors, ils ne sont pas tous regardables. Hein, oui, on est entièrement certains, d'accord. On peut s'en passer, quoi. Voilà, ou alors, on fait la soirée Nanarland. C'est ça, oui, on peut en faire... C'est pas une soirée, c'est des soirées. Des soirées. Sinon, quel est ton personnage favori des Western Spaghetti? Allez, oui, silence. Dans Le Grand Silence, là, joué par Jean-Louis Trintignant, j'aime bien le personnage joué par Jean-Louis Trintignant. Alors, c'est un peu dommage, il meurt à la fin, faut pas le dire, mais... Spoiler. Mais oui, j'aime bien le personnage. Alors, déjà, il est muet et pas mutique comme les autres héros des films de Western Spaghetti. Voilà, il est muet, il ne tue pas ses adversaires n'importe comment, il les provoque en duel, donc il leur tire pas dans le dos. Il y a une morale dans un monde noir, quoi. Et puis avec un Klaus Kinski en face qui lui rend bien l'appareil. Voilà, alors là, du méchant Klaus Kinski, là, il est parfait dans ce rôle-là. Tigrero, c'est... Un rôle de barret, c'est Klaus Kinski. Oui, là. Donc maintenant, on va passer au fameux quiz vu pas vu. On va survoler certains films. Si tu veux donner je l'ai vu, ou je l'ai pas vu. Ah, je ne sais même pas si je les ai vus ou voilà. pas. Mais je te rassure, en préparant ce film, j'en ai vu pas mal, mais il y en a certains, je suis passé à côté. Et puis il y en a d'autres que j'ai carrément pas nommés parce que j'avais aucune idée. Oui, oui. Et puis, certains, j'ai peut-être fait des erreurs, mais bon, l'erreur ouais, est humaine. Ouais, c'est hein. ça, oui. J'espère que vous ne me tirerez pas dessus. Dans le dos. Eh bien, le premier western spaghetti que j'ai trouvé à l'époque, c'était en 63, Duel au Texas de Ricardo Blasco avec Richard Harrison. Donc, Richard Harrison, on va le trouver dans beaucoup de péplum aussi. Et dans les films, dans les spaghettis, je l'avoue, celui-là, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. La griffe du coyote, ensuite en 63 aussi, de Mario Calano, inconnu au bataillon pour moi aussi. Ensuite, le justicier du Minnesota de Sergio Corbucci, avec un certain Cameron Mitchell, qu'on va retrouver aussi dans de nombreux films péplum et western spaghetti. Et arrive quand même en 64 le fameux Pour une poignée de dollars de Sergio Leone avec un certain Clint Eastwood et Gian Maria Volonté. C'est son premier western spaghetti. Ouais, c'est le premier western spaghetti après avoir fait Rawhide. Il a un peu relancé sa carrière parce qu'il commençait à patiner. On le voyait un petit peu dans des rôles. Et donc, c'est les Italiens qui ont eu l'idée de le relancer. Et pour notre plus grand plaisir. En 65, on a Adios Gringo de Giorgio Stegani, où on retrouve Giuliano Gemma et Ida Galli, qui était une actrice qui a pas mal tourné. Et donc, Giuliano Gemma, on va le retrouver dans tout un tas de sagas de western spaghetti. Et puis, bien, on retrouve l'ami Clint Eastwood dans Et pour quelques heures de plus, dans la fameuse trilogie du dollar, où on le retrouve là avec un certain Lee Van Cleef, le taré de service Klaus Kinski, et aussi Gian Maria Volonté, avec qui il avait tourné Pour une poignée de dollars. Ensuite, Un pistolet pour Ringo de Duccio Tessari, et Le retour de Ringo de Duccio Tessari, avec Giuliano Gemma. Et en fait, oui, on parlait des sagas. Eh bien, Ringo, c'est... en général, Giuliano Gemma va tourner toute cette série des Ringo, peu comme on a eu les Sabata, on a eu... voilà. Ensuite, on a Arizona Colt de Michel Lupo. Bon, pareil, on passe rapidement dessus. Le fameux Django de Sergio Corbucci. Le premier, oui. Et Django tire le premier dans la même année de Alberto Di Martino avec un certain Franco Nero qui va jouer le rôle de Django dans différentes sagas et qui a fortement inspiré un certain... Tarantino, oui. Le Django Unchained, bah oui, c'est... Ouais. D'ailleurs, il y a un hommage avec la musique qui est reprise. Oui, un petit peu, oui. El Chuncho de Damiano Damiani, où on retrouve Gianmario Volonté et Klaus Kinski. Vous voyez, les acteurs, on les retrouve un petit peu. Voilà. Ensuite, eh bien, alors là, le classique des classiques, Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, où on a le trio, comme tu l'as dit tout à l'heure, Eastwood, Wallach et Van Cleef. Moi, j'aime bien Eli Wallach, particulièrement avec son rôle d'espèce d'idiot veule et qui se fait, il se fait toujours vraiment avoir jusqu'au bout et c'est assez rigolo. Ensuite, Le Temps du Massacre de Lucio Fulci avec Franco Nero et George Hilton. Lucio Fulci qu'on retrouve beaucoup dans les giallo, ces espèces de thrillers horrifiques. Et là, donc, il a aussi fait ses armes dans le western spaghetti. Ensuite, on trouve Navarro Joe de Sergio Corbucci avec un certain Burt Reynolds, José Ferrer et Tania Lopert. Je l'ai vu, on voit le côté américain. Et Corbucci a été tapé aussi. Il était chercher des acteurs américains. Et voilà, Burt Reynolds, on sait la carrière qu'il a fait derrière. Ensuite, eh bien, quelques dollars pour Django. Et là, c'est Anthony Stephens qui a pris le rôle de Django. C'est plus... Ça change. Voilà. On retrouve Ringo, pistolet d'or de Corbucci avec Mark Damon et Ettore Magni. Ensuite, on a Texas Adios de Ferdinand Baldi avec Giorgio Ferroni et Franco Nero. Vous voyez que ça tourne beaucoup, Enfin, ça tourne beaucoup autour de certains acteurs. Ensuite, le titre m'amuse, Dieu pardonne, moi pas, de Giuseppe Collini avec la première apparition du duo... Terence Hill, Bud Spencer, donc les distributeurs de BAF. Voilà. Ensuite, Le Dernier Jour de la Colère de Tony Valeri, et là on trouve Lee Van Cleef et Giuliano Gemma. Les Cruels de Sergio Corbucci, où il a été chercher un vieil acteur américain, ça s'appelle Joseph Cotton, qu'on a vu dans des films de guerre et dans des westerns, entre autres. Ensuite, eh bien, la première apparition solo, T'as le bonjour de Trinita de Ferdinand Baldi, avec Terence Hill tout seul. Ensuite, alors un titre pareil que j'adore, « Tu et fais ta prière » de Carlo Cisari. Et on trouve l'acteur, réalisateur, écrivain Pier Paolo Pasolini. D'accord. Qui est justement... Qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère? Voilà. Et c'est assez marrant justement de voir des gens comme ça qui apparaissent. Ensuite, À genoux Django de Giancarlo Baldano. Et avec Django, la mort est là. Et là, c'est Antonio Margheriti qui joue le rôle avec D'accord. Robert Woods. Ensuite, on retrouve Django dans Django porte sa croix de Enzo G. Castellari. Et Django prépare ton cercueil de Fernando Valli et avec, entre autres, l'acteur allemand Horst Frank. D'accord. Ensuite, eh bien, un classique là, international, même si c'était un western spaghetti. Il était une fois dans l'Ouest. Encore le Sergio Leone avec, alors là, le casting 3 étoiles, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards et plein d'autres acteurs derrière. Une musique... L'homme à l'harmonica. L'harmonica, voilà. Donc, à voir aussi, absolument. Oui, ça fait partie des classiques. Tu en as parlé tout à l'heure, et c'est un film qui est passé sous silence, c'est m'en dire, Le Grand Silence de Sergio Corbucci, avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski, ce fameux héros très noir... Ouais, alors c'est un film qui se passe, contrairement aux autres, enfin pas mal de western spaghetti qui se passe dans des déserts, là c'est dans des montagnes enneigées. La neige est omniprésente, elle c'est sert froid, d'ailleurs de morgue, puisque les cadavres des chasseurs tués par les chasseurs de primes sont mis dans la neige pour être conservés. Et puis c'est un film qui est nihiliste, quoi, entre guillemets. Ah oui, c'est pas... C'est... Déjà à la fin, il n'y a pas de... Le héros, il s'en sort pas, seuls les méchants... En fait, c'est celui qui a le moins de scrupules. C'est celui qui va s'en sortir, quoi. C'est marrant parce que, en parlant de ça et en m'attendant, tu pardonnais, ça me fait penser aux 8 salopards. On se demande si c'est pas un hommage, ces cadavres qui sont dans la neige, c'est ce côté, comme tu dis, le western qui se passe dans la neige. Ça me faisait penser, quoi, c'est les Fargo, les frères Cohen, tu sais, qui ont repris un petit peu cette idée de la neige. Montagne, la neige. Et puis donc, Jean-Louis Trintignant, acteur français, un des grands acteurs français, il faut le dire. Et il joue le héros. Mais il est muet, quoi. C'est pas le héros classique avec un tchatch. Où ils sont mutiques et ils parlent pas beaucoup, souvent, Clint Eastwood, etc. Là, il est muet. Et puis, il a une arme fantastique. Et il a pas un Colt, il a un Mauser. Voilà. Donc, c'est allemand. Enfin, voilà. Tout ça fait que c'est un peu un film hors norme dans les western spaghetti. Ensuite, eh bien, on retrouve Bud Spencer et Terence Hill et Eli Wallach dans Les Quatre de l'Ave Maria. Mm-hmm. Donc, Tarte, humour et compagnie. Ensuite, Sartana de Gianfranco Parolini avec Gianni Garco et Klaus Kinski qui joue le méchant de service. Ensuite, on a Seth Winchester pour un massacre de Enzo G. Castellari qu'on a aussi trouvé assez souvent dans les western spaghetti avec Sid Beams et Guy Madison. Mmh. Guy Madison qui est un acteur italien, mais qui a comme... Terence Hill, qui s'appelle Mario Girotti. Oui, j'aime son nom. D'ailleurs, de tous les péplums, pratiquement, il signait sous le nom de Mario Girotti, et non Terence Hill, qui est devenu son nom international, on pourrait dire. Ouais. C'était plus à la mode d'être avec un acteur avec un nom américain que s'appeler Mario Girotti, à part pour un film sur la mafia. Oui, peut-être, oui. Ensuite, eh bien, on retrouve 5 hommes armés de Don Taylor, La colline des bottes de Giuseppe Colizzi, où là on retrouve nos amis Bud Spencer et Terence Hill, avec un vieux de la vieille, Woody Strode, qu'on a pu voir un acteur afro-américain qui avait joué entre autres dans Le Soldat Bleu, je ne sais pas si tu as vu. Oui, Soldat Bleu, j'ai vu. Voilà, et Woody Strode, on peut le voir dedans. George Eastman, qui lui aussi est un acteur italien, qu'on verra dans les sous Mad Max, les copies à un moment, il jouait toujours le méchant aussi. Le dernier des salauds, Les Pistoleros de l'Ave Maria de Fernando Baldi, bon, pareil. Oui. Alors, Le Spécialiste de Sergio Corbucci avec Johnny Hallyday et Françoise Fabian, donc deux acteurs français. Ouais. Alors, bon. Ouais, bon, c'est ça. Bah, Johnny Hallyday n'a jamais été un très grand acteur. Non. On a pu voir dans Terminus, dans pas mal de films français, mais bon, voilà. C'est un interprète musical, pas exactement comme musique. Hein, il a une belle voix, mais il a des bons musiciens, mais c'est pas un gros créateur. Non. D'ailleurs, il n'a jamais écrit un seul morceau. Il a écrit un morceau, dans sa vie. D'accord. Donc, mais bon, après. Il a su s'entourer, quoi. Voilà. Ensuite, Mort ou vif, de préférence mort, de Duccio Tessari, avec Juliano Gemma, Julio Pena et Sidney Rome, qui est une actrice qu'on a pu voir aussi dans italienne, pas dans pas mal de films. Le Sabata de Giancarlo Parolini, avec le fameux Lee Van Cleef qui joue le rôle de Sabata. Un corps d'une Colt. Ah oui, celui-là, j'aime bien aussi. Robert Hossein. Il joue dedans. Et Michel Mercier, qu'on avait pu voir dans Les Angéliques. Le couple s'est reformé pour ce film de et avec Robert Hossein. Comme quoi, les Français ont été faire de la spaghetti. Oui. Ensuite, on retourne Adio Sabata et Bonne Funéraille, Ami et Sartana Pera de Giuliano Carnimeo. Donc, on retrouve toujours le personnage de Sabata. Compañeros de Sergio Corbucci. Ouais. Ensuite, Django arrive, préparez vos cercueils. Et Django et Sartana, donc ouais, on fait avec George Hilton. Là, on mélange Sartana oui. et Django. Oui, c'est ça. Allez, c'est un peu Predator contre Alien. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Et Le Vent apporta la violence d'Antonio Margheriti. Je l'ai vu, celui-là, il est pas mal. Oui, pas mal. Ouais. Je l'ai vu aussi. Il est peut-être passé sur une chaîne il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, il passait souvent dans les classiques. Ouais, ou c'est ça. Voilà. Le culte du révérend de Leonard Klimovsky avec Guy Madison, qu'on retrouve encore à l'affiche. On l'appelle Trinita de Enzo Barboni, ouais. avec les Bud Spencer et Terence Hill, les Laurel et Hardy du Western Spaghetti. Sachant que, à petite anecdote, Bud Spencer est un ancien membre de l'équipe olympique de natation, donc c'était un athlète ah ouais. avant. Pour D'accord. ça qu'il a une carrure comme oui. ça, mais derrière, c'était un athlète. Et il a fait de la rétention d'eau, quoi. Voilà. Mais un peu comme Jason Statham, qui était champion de oui. plongeon et qui finit. Maintenant, c'est Jason Tatan, comme je l'appelle, parce que. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que la spécialité de Bud Spencer, c'est les gros stars. C'est pas le même physique que Spencer non. et puis Statham. Ensuite, il y a Roll Colt et Winchester Jack de Mario Bava. Avec Charles Soufoud, Mario Bava, qu'on a pu trouver dans beaucoup de films d'horreur, oui. par la suite des films italiens d'horreur. Bon, on va passer à un petit morceau musical avec Mon nom et personne, donc tu l'as cité tout ça, à l'heure. Oui. Et puis on l'entend beaucoup dans les pubs, ça a été très utilisé. Moi, je la trouve assez sympa, cette musique, signée bien ouais, sûr. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Thank you. Eh bien, suite du quiz vu pas vu, en 71, on a le droit. Alors, tu parlais du rôle de Muet, ben là, c'est Blind Man, le justicier aveugle de Fernando Valli, avec un certain Ringo Starr, eh oui, batteur des Beatles. A joué. D'accord. Donc il a été marié avec une actrice, hein, faut le savoir, une ancienne James Bond girl. Oui. Et puis Tony Anthony qui lui donne. Voilà, donc ça vaut. Moi je l'ai vu. Bah, le fait de voir Ringo Starr. Oui, voilà, c'est. Ensuite on a un film moi assez sympa et Viva la Révolution de Duccio Tessari où on trouve Eli Wallach et Franco Nero. Ouais. Il était une fois justement la révolution de Sergio Leone avec James Coburn et Rod Steiger. Le retour de Sabata, bah oui, on ne l'avait pas vu depuis un moment. C'est vrai. De Gianfranco Parolini avec Lee Van Cleef. Et la journaliste Jacqueline Alexandre, la française, qui apparaît dans ce film. Alors, un ovni, hein, comme on a eu Evelyn Delia dans, dans Les Fiancés de Fu Manchu. Ouais. Bah là, on a une ancienne Miss. Joue, avant d'être journaliste, a fait une participation dans un film. Ensuite, Les Quatre Mercenaires d'El Paso de Eugenio Martin avec Lee Van Cleef, Gina Lollobrigida et James Mason. Ouais. Donc pareil, un casting assez sympa. Bon, ça se regarde, c'est pas un des plus mauvais. Eh bien, on continue à l'appeler Trinita de Enzo Barboni avec Bud Spencer et Terence Hill. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est incroyable le nombre qu'ils ont fait tous les deux. Ensuite, Prier les morts, tuer les vivants de Giuseppe Vari. Et on retrouve le méchant de service, Klaus Kinski. Et maintenant, alors quand on n'avait plus de nom après Sabata, Django, Ringo, et maintenant on l'appelle El Magnifico. Et on retrouve Terence Hill dans ce rôle-là. Ensuite, Far West Story de Sergio Corbucci avec Thomas Milan et un des chauves favoris, Telly Savalas, Monsieur Kojak, et aussi qu'on avait pu voir dans Les Douze Salopards, entre autres. Plus personne ne connaît Kojak aujourd'hui, ça fait ce que c'est. Oui, mais si l'homme à la sucette, ça parle à notre génération, c'est vrai. Et puis les gens qui ont suivi Cérivore, on en a parlé. Ah bon. Et puis aussi, bah, les gens qui ont vu Les Douze Salopards, Telly Savalas, c'est vraiment le super salopard du groupe des Salopards. Ensuite, on trouve L'Ordre des Salopards de Tony Valerilli avec James Coburn. Ouais. On retrouve Telly Savalas et Bud Spencer tout seul. Ah oui, d'accord. Donc c'est... Oui. Il aime les rôles de salopard, visiblement, Telly Savalas. Apparemment. Ensuite, bien, Le Grand Duel de Giancarlo Santi, et on retrouve Lee Van Cleef. Mon nom est Shanghai Joe de Mario Cayano, avec Klaus Kinski, Chen Li et Gordon Mitchell, qu'on trouvera dans beaucoup de westerns italiens, dans les Peplum, et puis les Suman Max. Et c'est un film qui a inspiré Chiang Kai-shek avec Jackie Chan, entre autres. D'accord. C'est ce qui a un petit peu, quand ils ont voulu remettre à la mode, mettre un petit peu d'asiatique dans le... Puisque c'était l'époque aussi où ça marchait bien, les films de karaté, les films de Hong Kong, tout ça se mélange. Donc, on a fait un mélange un peu de karaté et de western. On en a parlé hors antenne tout à l'heure. Bon, on a vu aussi, là, c'est pas du western spaghetti, mais Soleil Rouge, avec Alain Delon et Toshiro Mifune, entre autres. Voilà, bon, c'était un petit peu à la mode de mettre un petit peu du... Puis, il y avait une série aussi télé... Kung Fu. Oui, c'est ça. Avec David Carradine. Oui, c'est ça. Qui d'ailleurs était une idée qui a été piquée à Bruce Lee. D'accord. Mais Bruce Lee étant chinois, les studios lui ont refusé. Ah oui. Et heureusement, justice lui a été rendue par sa fille. Il y a la série Warriors, qui est nettement mieux que David Carradine. D'accord. Parce que David Carradine a pris le kung-fu. Mais là, c'était plutôt le kung-fu zen. Dans Warriors, on voit vraiment le caractère... Bruce Lee pratiquait, et c'était l'idée qui d'accord. Il voulait parler plus de l'immigration chinoise et comment elle était exploitée, les guerres de gang et tout ça. Donc, Warrior, une très bonne série. Disgresse. Je vais regarder ça. Mais à voir. Ensuite, on continue avec Mon nom est Trinita de Fernando Valli, donc avec le duo Antonio Cantafora et Paul L. Smith qui reprennent les rôles de Trinita et Bud Spencer. Alors, si vous allez vous balader sur Internet, vous allez voir... C'est des copies conformes. Un gros balèze barbu, un petit blond, bah voilà. Les deux autres étant trop célèbres, après, ils ont commencé à tourner aux États-Unis ou continuer à faire les deux flics, enfin, tout un tas de séries. Ils ont continué à jouer un petit peu le duo, les Laurel et Hardy de la BAF. Ensuite, on a « Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ?» de Sergio Corbucci avec Vittorio Gassman. Alors là, c'est pareil. C'est tout à fait dans la lignée des films italiens où bah, rien que le titre ça indique, c'est un gars qui se retrouve embarqué dans une révolution mexicaine. Il se demande pourquoi. En fait, c'est un peu la vie de Brian des Monty Python, le mec qui se fait prendre. Voilà, c'est un peu parodique. Bon, à voir. Ensuite, bah, Mon nom est personne de Sergio Leone et Tony Valerio, ou Terence Hill et Henry Fonda. Voilà. Donc, on a écouté le morceau tout à l'heure. Ensuite, on trouve Les Quatre de l'Apocalypse de Lucio Fulci. Alors, Lucio Fulci, un des spécialistes aussi du giallo et donc du film d'horreur italien. Mm-hmm. Et là, on trouve Thomas Milan et Fabio Testi. Ensuite, bien, on en a parlé tout à l'heure, le fameux Un génie, deux associés, une cloche, ah oui, de Damiano Damiani, avec Terence Hill, Miu et Robert Charlebois. Tabernacle. Donc, bah, moi, j'aime bien. C'est plutôt pas mal comme film. C'est foufou. Voilà. C'est western parodique, oui, on peut dire, mais. Ça se tient, quoi, ça se regarde. Oui, oui, oui, avec cet espace de bande qui s'arnaque les uns après les autres. Donc, assez sympathique. Une version Zorro de Duccio Tessari avec, il vous en prie, Alain Delon, Ottavia Piccolo, oui, et Moustache, qui était un musicien de jazz. D'accord. Et qu'on voyait aussi dans des émissions. C'est lui qui joue le sergent Garcia, un mec costaud. Et, d'accord, voilà, oui. Et cette version, oui, avec un super méchant et tout. Bon, bah, Alain Delon nous fait du Alain Delon, il cabotine un petit peu, mais déjà, on voyait qu'il est un petit peu avec envie un petit peu de faire autre chose. Bon, il avait fait des films comme La Tulipe Noire, des films de KPDP, oui, des choses comme ça. Donc, il avait envie peut-être de retourner avant d'être trop vieux pour jouer des héros. Donc, bah, voilà. Ensuite, on a Kioma de Enzo G. Castellari avec Franco Nero et Woody Strode. Alors, pareil, un truc assez sombre, un western spaghetti assez sombre. Adios California de Michele Lupo Giuliani avec Giuliano Gemma encore, hein, Raymond Armstorff et Miguel Bosé, qui est un chanteur-acteur espagnol. Et Raymond Armstorff, si vous avez vu l'ancienne série de Jules Verne, Michel Strogoff, eh bien, c'est lui qui jouait Raymond Armstorff. On l'a vu dans pas mal de second rôle de téléfilms, entre autres Le Loup des Mers. Oui. Et puis, ah oui, Le Loup des Mers. Le Loup des Mers, qui est une série sympa, il y a eu un film aussi. Oui. Et donc, bah, c'est lui qui jouait Michel Strogoff dans la série française. Enfin, Franco, Almano, enfin, c'était un combo, quoi. Ensuite, on a Manara, L'homme à la hache, de Sergio Martino, avec un certain Philippe Leroy-Beaulieu. Alors, Philippe Leroy-Beaulieu, c'est le père de Philippine Leroy-Beaulieu, l'actrice. Ouais. Mais aussi, on a pu le voir dans une série qui s'appelait Sandokan. Et il jouait le portugais Yanes, l'ami de Sandokan. D'accord. Donc, c'est surtout. Et après, il a tourné une carrière surtout en Italie. Donc, il jouait c'était le beau gosse, quoi, un petit peu. Ouais. On dirait. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve. Il fallait dans tous les westerns spaghetti. Et puis, déjà, rien que le titre, Manara. L'homme à la hache. Ça donne. Ensuite, bien, Sel d'argent. De Lucio Fulci, où il y a Giuliano Gemma, le grand spécialiste, qui revient. On a le droit en 80 à Wester, Comune Accia, de Fernando Baldi. On retrouve Tony Anthony et une certaine Victoria Abril, débutante. Et ouais, elle a aussi fait du spaghetti. Ensuite, Scalfs de Bruno Mattei avec un certain Vasile Caris. Bianco Apache de Bruno Mattei, où il y a Sébastien Harrison. Et puis, bon, le dernier que j'ai trouvé dans les années 94, j'ai mis, c'est Jonathan Degli de Orso, de Enzo G. Castellari, où on trouve Franco Nero et John Saxon, qu'on trouve dans Opération Dragon, entre autres, avec Bruce Lee. Voilà. Bon, j'ai pas cité El Topo. Oui, tu as parlé. Je sais pas. 70, El Topo. Voilà. Si tu en vois un ou deux que j'ai pas cité et que tu souhaites remettre en lumière. Tuez les tous et revenez seul aussi. Ça te dit quelque chose Oui. Je ne sais pas si je ne l'ai pas cité. Tu l'as zappé, je crois, mais ce n'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc, Je corrige. Voilà, c'est le but du jeu. c'est de donner un maximum d'infos à nos auditeurs pour que ça leur donne envie d'aller revoir, découvrir ou redécouvrir le Western Spaghetti. Comme je l'ai dit, hein, 450 films, on ne pouvait pas tout couvrir. On a essayé de faire de notre mieux tous les deux. Nous allons passer maintenant aux sorties cinéma. Alors, petit programme actuellement, puisque les CGR Centre de Tours, notre partenaire, nous fait une avant-première de La Femme de Ménage le vendredi 19 décembre à 19h30. Et puis, au studio de Tours, il y aura les avant-premières de Tout va bien le jeudi 18 décembre à 19h30. et un week-end de 4 jours le vendredi 16 janvier à 19h15. Donc, une petite fin tranquille, mais je peux vous dire, on va avoir un début de janvier avec des grosses surprises. On a été convié, enfin, j'ai été convié récemment par le directeur des CGR. Je ne sais pas si je dois le dire déjà. Allez. Ou si je vous garde le teasing pour le prochain cinéphage, on va avoir vraiment un gros morceau du film d'horreur fantastique qui va sortir au mois de janvier et dont Tours aura la chance d'être une des villes françaises d'avant-première. Ah ouais, intéressant. Voilà, donc écoutez Cinéphage et je vous délivrerai dans le spécial sortie 2026 et bilan 2025, je vous en dirai un petit peu plus. D'accord. Il n'y a pas de blockbuster pour Noël cette année, de gros trucs? Tous les ans à Noël, il y a... Si, mais bon, comme je dis, là, j'annonce que les avant-premières et les événements. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, justement, sur les... Oui, il y a plein de choses qui sortent à Noël, comme d'habitude. Et donc, pour trouver les horaires de ces films et les films qui sont à l'affiche de nos partenaires, les CGR, Centre Tour et Studio Tour, eh bien, vous allez sur leur site respectif. Et comme ça, vous pourrez tranquillement faire votre programme. Et comme tu le dis si bien, Pascal, allez au cinéma. Non, voilà, profitez-en en famille. C'est un moment, justement, où on est en famille. Il y a des vacances. Je voudrais faire une petite parenthèse pour les studios de Tours, puisque pour chaque vacances scolaires, il y a des projections pour les enfants avec différents niveaux d'âge. Donc, pour les grands-parents qui ont des petits-enfants, c'est plutôt intéressant. Et c'est une manière d'amener les petits, les bambins. Voilà, pour un bambin, il faut qu'ils aient 3-4 ans, quoi, au minimum. Oui. Mais les amener à se faire une culture cinématographique. Il y a un gros effort qui est fait par les CGR Centres et les studios. Ouais. Parce que, oui, tous les deux, ils ont envie d'amener des jeunes spectateurs au cinéma, donc avec des films adaptés plus courts par rapport à l'attention. Les parents peuvent, bien sûr, sont conviés à venir, parce qu'il y a des fois une lecture à deux vitesses. C'est toujours sympa de partager. Personnellement, j'ai une nièce qui est fan de cinéma, qui a fait Cinéphage à ses débuts, et je l'ai amenée depuis à l'âge de 3-4 ans. Bah, dès qu'il y avait des dessins animés, des avant-premières, je l'ai amenée. Bah, c'est quelqu'un qui adore le cinéma maintenant. Et voilà. Mes deux nièces ont une culture ciné, et donc, bah voilà. Surtout qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais pas si t'as entendu le discours de je ne sais plus quel RN là, qui disait il faut couper, il va falloir tailler un petit peu dans les fonds distribués aux films d'art et d'essai. Bah, si c'est pour Bernard Lévy, je suis entièrement d'accord. Pour le reste, eh bien, je vous propose de se retrouver dans un prochain cinéphage. Si vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez aller en podcast sur www.radioactivefm.fr. Ça, vous pourrez écouter les émissions Cinéphage et Sérivore, mais aussi ton émission. Tu peux parler de Rock en stock, oui, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ouais. Un jeudi sur deux, pardon. Voilà. Je m'emballe. Voilà, t'es comme Cinéphage. Hein, c'est ça. Le temps de préparer, il faut quand même du temps de préparer. Eh oui. Et puis, bah, si vous avez envie d'être l'invité de nos émissions, bah, vous n'hésitez pas à appeler Radioactive et ça sera avec un plaisir qu'on viendra d'un thème, comme aujourd'hui on a fait avec Pascal. Et puis, bah, d'ailleurs, merci Pascal pour ta participation. Bah, c'était un plaisir. Merci à Vincent à la technique encore aujourd'hui, parce que sans la technique, eh bien, on serait rien. On serait rien, oui, tout à fait. Et puis, on se dit à dans 15 jours, les Sérivores, et continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye. Bye bye.